Voici votre plus récent bulletin de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de la Classique 49. C'est la première édition qui aura lieu cette année. Ça va avoir lieu à Saint-Prime. La Classique 49, c'est un tournoi de deck hockey dont Samuel Girard est le président d'honneur. On attend environ 400 joueurs d'un peu partout au Québec pour cette première grande classique. Et faites à noter que les billets sont en vente au coût de 20$ pour la fin de semaine et 12$ par journée. Donc, c'est quand même une activité intéressante qui aura lieu à Saint-Prime au cours de la fin de semaine. Les Saguenay de Scoutimi, hier, ont repêché un joueur russe lors du repêchage européen qui se tenait et ils ont jeté leur dévolu sur un défenseur du nom de Arj Blentz. Blentz, qui est un défenseur russe qui a marqué 5 buts et amassé 8 passes en 49 parties avec le HK Riga de Rigo, donc dans la VHL, ça c'est l'équivalent, la MHL, pardon, c'est l'équivalent de la Ligue de hockey Junior Major du Québec, mais en Russie. On va parler maintenant du côté du soccer, avec des matchs qui nous intéressaient hier dans certaines ligues. D'abord, faites à noter que dans la U14 féminin, victoire du Mistral 2-0 sur la formation du FC de Saint-Félicien. Victoire de l'attaque de Saint-Prime 3-0 contre le Chinook de Scutimi dans un match du senior féminin division 1. Et il y avait pas mal de matchs également, mais il y a eu des matchs qui ont été remis en raison de la pluie. Et Ligue de Ballante d'Orberval, il y avait trois parties hier. Garma qui avait fait pièce de tour au sel 12-11, Megavac 15, Zodiac 12 et AEW a défait Saint-Hubert 12-8. J'invite à écouter la section entrevue de dernièresdesports.com. Hier, j'ai parlé avec Guy Carbonneau, on parle de son intronisation au temple de la renommée du hockey qui est annoncée cette semaine. Également, je me suis entretenu avec d'autres intervenants du monde du sport, entre autres Michel Lallemand, où on parle évidemment du club de golf de Chibougamau. Sport local et régional à dernièresdesports.com. On s'en occupe.